Ce vendredi à la vie en BD, des idées cadeaux de dernière minute, des commentaires BD à profusion. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Dernière édition d'ailleurs de La Vie en BD pour l'année 2016. Après aujourd'hui, l'émission sera de retour le 6 janvier prochain, vendredi 6 janvier, à compter de 17h30 comme à l'habitude, toujours pour porter un regard sur la sphère du 9e art. Et cette semaine, eh bien, on fait du rattrapage, si on peut dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires BD. Ce sera l'heure presque entière qui sera consacrée à tout ça. Des idées cadeaux également, puisque j'ai demandé à deux de mes libraires en résidence, en fait Jérôme Vermette de la librairie La Liberté et Marco Duchesne de chez Pantoute, de me proposer quelques idées cadeaux, quelques éléments pour les amateurs de BD, là, des choses qui pourraient peut-être vous allumer, qui sont encore sur les tablettes présentement. Entre autres choses, ben Marco lui va nous parler de Tintin, de Mickey Mouse, en fait des belles éditions, rééditions, réinventions également. Du côté de Jérôme, on va aller lorgner entre autres d'Otero, de Urban China, des livres sur Philippe Druyat. Alors, on va regarder un peu autour de la BD également, vers quelques incontournables de fin d'année. Et de mon côté, ben, j'ai une petite pile de livres à côté de moi et j'espère réussir à vous parler de l'ensemble de ces titres au fil de l'émission d'aujourd'hui. Alors, un gros menu de commentaires, c'est ce qu'on vous propose cette semaine, donc à La Vie en BD. Et comme d'habitude, dans l'actualité BD, plusieurs événements et on ouvre cette séquence d'actualité avec une nouvelle plutôt triste, en fait, ben, carrément triste, évidemment, puisqu'il s'agit d'un décès, dessinateur suisse Mix et Remix, qui est décédé des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 58 ans. Alors, on se rappelle que c'est par un dessin publié sur Facebook que la famille de Philippe Becla a annoncé son décès le 19 décembre dernier. Un dessinateur de presse suisse connu sous le pseudonyme de Mix et Remix qui a succombé donc à ce cancer. Pendant 25 ans, il a mis en scène ses personnages au gros nez dans des dessins satiriques sur l'actualité pour le journal suisse L'Hebdo, avant de rejoindre Le Matin Dimanche en 2012. Il a également travaillé pour Le Courrier International, L'Internationale, Ciné Hebdo ou encore L'Hebdo de l'émission de télévision Infrarouge. Sûrement que si vous cherchez son univers dessiné, de bonnes chances que vous ayez eu l'occasion de voir, de découvrir son travail. Et comme d'autres commentateurs ont dit, ben c'était peut-être un auteur BD méconnu également. Alors, ben, je vous enjoins peut-être à retracer justement certains de ses livres pour découvrir la force, l'originalité de son humour, donc Mix et Remix. Dans d'autres créneaux d'actualité, ben, on parle entre autres d'Étienne Davodeau qui a inauguré tout récemment fait le fonds de bande dessinée documentaire au lycée public de Beaupréau à Maine-et-Loire en France. Alors, un fonds qui contient pour l'instant 135 livres de reportages documentaires et d'autobiographies en bande dessinée. Et d'ailleurs, en fait, semble-t-il que ce soit le premier fonds du genre disponible en France. En début d'année, on avait parlé de Wonder Woman qui devenait ambassadrice pour l'ONU. Eh bien, voilà que cette super-héroïne de DC Comics, créée en 1941 par Charles Moulton, a été retirée, si on peut dire, de cette mission. Alors, je vous rappelle qu'elle devait servir une campagne onusienne d'un an sur l'émancipation des femmes et des filles. Une mission surprenante, donc, qui a finalement duré moins de 2 mois, puisque l'ONU a annoncé qu'elle mettait fin au mandat de Wonder Woman le 16 décembre dernier. Alors, si les Nations Unies n'ont pas donné d'explication, on se souvient que l'annonce de la nomination de Wonder Woman avait suscité de nombreuses critiques, notamment de la part d'organisations féministes. Une pétition contre, d'ailleurs, le titre d'ambassadrice de l'ONU à ce titre pour Wonder Woman avait récolté près de 45 000 signatures. Quelques récompenses de fin d'année également qu'on mentionne, notamment le Grand Prix RTL de la bande dessinée 2016 qui a été attribué à Pereira Prétend de Pierre-Henri Gaumont, paru aux éditions Sarbacane. Alors, une bande dessinée qui plonge le lecteur au cœur de la dictature Salazaris du Portugal. On est en juillet 1938. Un journaliste culturel et vieillissant, veuf obèse, tourmenté, engage un jeune pigiste qui a lieu d'écrire les sages nécrologies que le journaliste lui a commandés, lui remettre des éloges aussi sulfureux qu'impubliables. Et dans Pereira prétend, on parle d'une métamorphose, on parle de tourisme éthique, on parle d'exotisme philosophique. Alors, prix RTL pour cette BD. Parallèlement, le prix Rodolphe Toffer de la ville de Genève a également été remis. Cette année, ça a été décerné à Peggy Adams pour Plus ou moins l'hiver, paru chez Atrabil, quatrième tome de cette série qui narre les aventures de quatre femmes qui se questionnent également sur la place de la femme dans notre société, sur la violence qui joue souvent son rapport au monde. Par ailleurs, l'autre prix, en fait, le prix Toffer international, la meilleure bande dessinée en français selon l'organisme, a été à Catherine Meurice pour La Légèreté, publiée chez Dargaud. Je vous rappelle, évidemment, si vous ne le saviez pas, un album réalisé après l'attaque du journal satirique le 16 janvier, à laquelle elle échappa miraculeusement. Alors, après la violence des faits, une nécessité lui est apparue, s'extirper du chaos et de l'aridité intellectuelle et esthétique qui ont suivi en cherchant leur opposé, la beauté. Et dernier prix que je vous mentionne, c'est la BD chrétienne d'Angoulême. Ça a été donné aux Larmes d'Esther chez Bayard de Robin et de Vincent un Saint au temps des Mousquetaires de Jean Dufaux chez Dargaud. Et dernier petit clin d'œil, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur la page Facebook de l'émission, vous allez pouvoir y voir entre autres la bande-annonce de l'adaptation de Seul, la bande dessinée de Gazotti et Vellman réalisée par David Moreau. Alors si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, donc nous l'avons relayée. Donc c'est facebook.com/ La vie en BD. Sélection musicale de Mise qui nous accompagne cette semaine, la musique de Noël. J'ai fait entendre à quelques personnes qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu fais jouer ça à la radio? C'est pas très bon. » Et je vous dirai, c'est malheureusement le seul album 8 bits de Noël que j'ai trouvé dans ma brève recherche. Alors, on écoute un premier extrait. C'est d'un album qui s'appelle « An 8-Bit Infinite Christmas Volume 1 » de 8-Bit Infinite. Et on écoute donc « The Christmas Song ». Et voilà que se poursuit donc cette édition pré-Noël, en fait, Noël dans deux jours quand même, de La vie en BD. Et peut-être n'avez-vous pas encore acheté vos cadeaux de Noël, ou du moins qu'il vous reste encore certains cadeaux à compléter, à aller chercher. Eh bien, si c'est le cas, ouvrez toutes grandes vos oreilles. Si, inversement, vous cherchez des idées de BD plaisantes, ouvrez également toutes grandes vos oreilles. Alors, on a mandaté un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne, pour nous lancer quelques idées cadeaux de dernière minute. Marco, bonjour. Hey, salut Raymond. Alors, en fait, on a beaucoup de titres, beaucoup de belles idées, beaucoup de beaux livres également. Alors, on ne perd pas de temps. Je te lance immédiatement avec le premier. En fait, on parle d'un coffret Tintin. Oui, en fait, cette année, les amateurs de Tintin ont été choyés. Il y a eu beaucoup de belles parutions et de belles parutions qui vont bien s'offrir en cadeau, je crois. D'abord, le premier, c'est que on avait vu il y a plusieurs années un coffret qui contenait tous les albums, un coffret un peu plus qui était un peu plus petit que les albums moyens, mais qui contenait, ce coffret contenait quand même tous les aventures de Tintin. Il avait disparu, il avait été épuisé. Eh bien, Casterman le refait. Alors, il est réapparu, il est maintenant disponible pour 184,95. Vous avez en un coffret tous les aventures de Tintin. Et est-ce qu'il y a une remise à jour au niveau couleur ou le reste, ou c'est vraiment plus l'enrobage? En fait, pas pour le moment. Tout est comme dans les albums, les 22 ou 24 albums qu'on connaît. Exactement pareil, même que Tintin au pays des Soviets est en noir et blanc. On me dit que l'année prochaine, pour fêter un anniversaire, je me rappelle plus lequel, on va mettre de la couleur dans Tintin au pays des Soviets. Et à ce moment-là, je ne sais pas s'ils vont refaire un coffret pour colorer cet album-là. Mais en ce moment, le coffret est la réplique identique des albums, des 26, des 24 albums de Tintin. Même Tintin au Congo. Même Tintin au Congo. Et ces genres de coffrets, j'imagine, pour les collectionneurs et les albums, il y a aussi des éléments autour qu'on peut aller chercher Non, malheureusement, Casterman n'a pas encore... Je pense qu'il existe beaucoup de choses sur RG, et dans le coffret, on n'y a pas ajouté d'éléments, de préface, de trucs historiques. Donc, Marco, ça veut dire qu'il faudrait peut-être mettre la main sur un catalogue d'exposition, par exemple. Et voilà, cette année a eu lieu à Paris, et je pense que ça dure jusqu'en janvier, si jamais vous décidez de vous payer le voyage jusque là-bas. À Paris, il y a une exposition de Hergé, sur Hergé. Hergé en tant qu'auteur, Hergé en tant qu'amateur d'art. Alors, il est sorti aux éditions Réunion des musées nationaux le catalogue de cette expo Hergé, qui est maintenant disponible pour nous aussi. On l'a sur les tablettes avec une soixantaine de dollars. Alors, c'est toute l'exposition. Encore une fois, c'est des planches, c'est des originaux. Mais c'est aussi une vision vers la fin. On a aussi une vision d'un Hergé collectionneur d'art. Quels sont les artistes qui l'intéressaient? Cet art moderne qu'on a vu poindre dans ce album inachevé qu'est l'Alphare. Là, on voit dans cette exposition-là tout l'intérêt d'Hergé pour ce genre d'art-là à la fin. Un catalogue intéressant, oui, qui apporte de quoi de neuf, pas vraiment. On a à peu près vu tous les planches originaux, couvertures inédites qui peut exister. Mais ça peut quand même bien s'offrir, c'est un joli objet. En fait, j'ai l'impression que pour aller chercher du neuf dans l'univers de Tintin, il faut plus se décliner dans d'autres sphères, exemple faire un dictionnaire amoureux. Ben oui, Plon a depuis plusieurs, une dizaine d'années, une collection qui s'appelle les dictionnaires amoureux. On confie à un spécialiste ou à un auteur un sujet qu'il aime, qu'il affectionne, un sujet qu'il maîtrise. On a eu droit dans ces dictionnaires amoureux d'un dictionnaire amoureux du Québec fait par Madame Bombardier. Pour te montrer l'exemple. Mais il y en a eu un sur tout le genre de sujets, sur des trucs historiques, sur la Révolution française, sur la musique, et il y en a un maintenant sur Hergé. Alors, ce dictionnaire amoureux d'Hergé est fait par Albert Algoud, qui est un grand spécialiste et qui a été aussi un ami d'Hergé vers la toute fin aux éditions Plon. Alors, dans ce dictionnaire, décliné par ordre alphabétique, des sujets. Ça va des trucs aussi sérieux que, comment était le travail d'Hergé, c'est-à-dire comment il travaillait dans l'atelier avec le studio Hergé, avec ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il faisait au niveau technique. Mais ça va aussi jusqu'à qu'est-ce que les amis d'Hergé, ce fameux club qui regroupait des tintinophiles qui discutent qui se réunissent une fois de temps en temps pour discuter de l'œuvre d'Hergé. Bref, des sujets variés à différents niveaux. On n'apprend pas de nouvelles choses, mais je pense que pour offrir un cadeau à un amateur d'Hergé, c'est ce petit dictionnaire qui se laisse traîner sur une table, qu'on consulte une fois de temps en temps pour se rappeler, pour se donner des idées peut-être, pour se donner encore le goût de lire Tintin. Et Marco Duchesne, en fait, si on n'aime pas Tintin mais qu'on veut rester dans les classiques, tu as aussi un autre lot de suggestions autour de Mickey Mouse. Écoute, Mickey Mouse, pour les Français, c'est mythique. C'est-à-dire que le journal Mickey, avant la Première Guerre... Après la Première Guerre mondiale, Les Américains ont envoyé en terre française le Mickey Mouse, ont donné des droits de traduction de tout l'univers Disney. Alors, les Français ont créé Mickey Magazine. Alors, Mickey Magazine publiait tout l'univers Disney en comics. Et aussi, se sont mis aussi à faire la promotion d'artistes français. Alors, ce magazine a fêté ses 70 ans. Et Disney y va avec... Glénat ont acheté les droits pour publier ces ouvrages-là de mm-hmm. Disney. Et on a le droit à une panoplie diverses d'ouvrages de toutes sortes. D'abord, laisse-moi te souligner l'âge d'or, les premiers Mickey parus en strip dans les années 30 par Floyd Gottenson sont publiés en deux tomes. C'est magnifique, c'est vraiment un travail d'édition. Là, on parle avec des préfaces, des annotations, on se situe dans le temps, mais on a aussi le Mickey Mouse original qui vit des aventures à la façon dont étaient publiés les strips dans les années 30. Mmh. Mais Disney a aussi donné un contrat à des auteurs pour réinterpréter leur univers. Oui, un peu comme ça se fait pour Spirou, comme ça s'est fait pour Lucky Luke aussi. Là, voilà. Là c'est Mickey Mouse qui passe... Alors, là, on a donné droit à la réinterprétation de trois auteurs qu'on connaît très bien, nous, du côté francophone. D'abord, Loisel. Oui, Loisel, avec son magasin général, avec sa quête L'Oiseau du temps, nous refait un Mickey Mouse. Alors, ça s'appelle Café Zumba. Et ce Mickey Mouse est tout à fait... Loisel reste dans l'esprit du comic strip, de l'aventure en bande dessinée de bande avec les blagues qui se finit à chaque strip. Écoute, c'est très réussi. Loisel, il prend un plaisir fou à nous donner ce genre d'aventure-là. Et le dessin reste très proche des originaux. Le deuxième tandem, c'est Lewis Trondheim, qui, lui, avec son collègue, décide de nous donner un faux vieux Mickey. Il nous raconte dans la préface qu'il est tombé sur une vieille aventure de Mickey où il manque même des pages, où tout est écorné. Alors, cet album de Quizzes Aventure Mickey Quest, en fait, c'est un fake, c'est vraiment un fake, un facsimilé, un faux facsimilé des aventures de Mickey. Alors là, on y traite d'un Mickey, c'est aussi fait à la façon des strips, cette fois-ci d'une page. Mais là, on a travaillé la texture des pages, ils sont faussement abîmés et il manque vraiment des pages. Il y a des trous dans l'histoire, mais voulus. Par Lewis Trondheim pour nous donner un peu cette idée du truc de collection, du truc vieillot. Et finalement, Cosé, qui d'habitude nous donne des histoires de bouddhisme un peu zen, il va de sa mystérieuse mélodie ou comment Mickey a rencontré Minnie. Alors Cosé, dans un magnifique album, nous raconte cette rencontre entre cette histoire d'amour qui a débuté entre Mickey et sa copine Minnie. Et mention aussi, Marco, outre tout ça, il y a aussi une intégrale Carl Banks qui a été publiée. Ben là, écoute, Glénat, tant qu'à publier les originaux, tant qu'à publier les classiques, il va de Carl Banks. Carl Banks, chez Disney, c'est le créateur de Donald Duck, c'est le créateur de Picsou, c'est le créateur des Trois Neveux. Alors, et pendant presque 30 ans, il a été à la tête de ces comics-là, à publier les aventures de Donald. Alors, Glénat nous fournit les intégrales de Carl Banks. On est rendu au sixième tome sur, je crois qu'il va y en avoir une douzaine. Alors, c'est une belle occasion et ça reste toujours aussi frais pour en avoir consulté quelques-uns et lu quelques aventures de Donald. Ça reste quand même très drôle et très moderne, malgré le fait que ça a été publié dans les années 50. Et évidemment, à travers tout ça, on comprend, et je pense aussi au fil de nos chroniques idées, on réalise à quel point il y a beaucoup aussi d'éditions d'intégrales qui se font. Et t'en as trois à nous suggérer, en terminant, Broussailles, Jacobs et Seul. Oui, en fait, c'est un peu personnel, là. Alors, c'est un peu ma liste pour ceux qui écouteraient et qui me connaissent. C'est ma liste de cadeaux. Alors, j'aimerais bien avoir l'intégrale de Broussailles. Alors là, je me répète parce que j'en ai parlé à la dernière fois que tu m'as invité à ton émission. Broussailles, ce personnage qui a eu juste 3 albums, mais la mise en intégrale, on a eu droit à, comme je te disais, un magnifique produit où on a droit à des inédits des chroniques de Broussailles dans Dupuis dans les années 80. Un magnifique cadeau à offrir à un écologiste, par contre, entre autres. Et est sortie cette année une intégrale des Blake et Mortimer faite par Jacob. Je l'ai consulté, et d'habitude, les intégrales des classiques, m'horripile un peu, mais dans ce cas-ci, encore une fois, tout l'appareil critique, c'est-à-dire les préfaces, les introductions, les planches inédites, sont vraiment magnifiques, et le papier, l'intégrale se tient bien, le papier est pas trop mince, parce que certains dans les classiques, quand le papier est trop mince, on va au travers. Mmh, oui. Et dans ce cas-ci, le travail d'édition pour cette édition d'intégrale de Jacob, des Blake et Mortimer, est un beau produit. Et finalement, Seul, parce que Seul est une chouette série pour jeunesse qui est publiée dans Spirou Magazine. Oui, puis peut-être un peu en amont du film qui s'en vient l'année prochaine. C'est ça. Alors, mon idée, tu me devances, c'est que il existe une intégrale du premier cycle, des 5 premiers tomes. Et c'est les 5 tomes qui vont être dans le film. Et effectivement, voilà. Alors, on se prépare pour le film. On offre en cadeau l'intégrale du premier cycle de Seul, de cette magnifique série, et on donne le scoop en cadeau surprise, on dit il va y avoir un film. Alors là, la personne qui va recevoir la chose va vraiment être aux anges. Et Marco Duchesne, merci beaucoup pour cette salve de suggestions. Nous, je te souhaite joyeuses fêtes, bonne année. Toi aussi, et joyeux Noël à tout le monde. Oui, puis à l'année prochaine. Oui. Salut bien. Salut. Voilà, c'était Marco Duchesne, donc libraire chez Pantoute, et ses suggestions BD pour l'année, pour Noël à venir. Là. Alors ben voilà, donc c'était ses premiers regards, commentaires, et on poursuit tout ça à la vie en BD. Et voilà, pour faire taire ceux qui disent que mes suggestions 8 bits sont de qualité à chaque semaine, eh ben on a la belle exception du temps des fêtes cette année, mais c'est important pour moi d'avoir un petit côté Noël. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions passées de La Vie en BD sont disponibles également en balado-diffusion, donc via laviembd.wordpress.com. Et je descends ma petite pile à côté de moi, ben notamment, on va commencer avec un classique, du moins un classique en termes de personnages, pas nécessairement en termes d'album, on s'entend. Alors, Lucky Luke, d'après Maurice, donc nouveau tome 7, en fait 7e, donc de cette réédition et suite, si on peut dire, de la série Lucky Luke, une série qui est vraiment graphiquement dans la continuité de l'univers de Maurice. D'ailleurs, en fait, je disais tranquillement la BD, je me suis invectivé par ma conjointe au fil de la lecture en me disant, ben regarde là, t'as des piles et des piles de BD neuves. Pourquoi tu lis une vieille BD? J'ai dit, mais non, c'est le nouveau Lucky Luke. C'est comme, ah, bon. Donc, graphiquement, HD, je pense, après 7 albums, ça a vraiment, donc, happé le style, l'ambiance, l'esprit du trait de Morris. C'est à s'y méprendre, pourrait-on dire. Et, ben, la question, c'est maintenant de voir, ben, un peu comme pour toutes les séries qui se poursuivent au-delà de la disparition de leur créateur ou dans un contexte de transfert de création, eh ben est-ce que ça vaut la peine de la poursuivre ou est-ce que la série n'existe que pour exister désormais? Alors, dans le cas de Lucky Luke, il y a eu des albums assez quelconques dans cette réédition-là. Il y a eu des albums excellent. Je pense notamment à ceux scénarisés par Ben Akista qui étaient très solides. Vraiment des je dirais pas des coups de cœur, mais des belles additions, si on peut dire, et des contextes où on voyait que le matériel original réussissait à aller chercher des éléments dans le contexte social actuel pour vraiment ancrer la réédition dans son la suite, en fait, dans son contexte de création réelle plutôt que dans son contexte de création initiale, donc celui du personnage, si on peut dire, il y a une 50aine d'années. Alors, dans le cas de La Terre promise, j'ai peut-être un peu plus l'impression l'impression, nonobstant certains clins d'œil, commentaires et de reste, donc, qui nous disent, ben, ah oui, on s'inscrit dans les 10 dernières années, mais sinon, c'est le genre d'histoire qui aurait pu être écrit dans le passé, à l'époque. Les ingrédients sont là, la recette est là. Donc, un peu comme pour le dernier Astérix, on fait un Lucky Luke qui est correct, mais qui ne justifie en rien son existence au-delà du fait de faire vivre et de continuer à pousser le personnage. Donc, il n'y a rien dans cet album-là où je vous dirais, mais il faut absolument que vous lisiez. Ça vaut plus, ou ça vaut aussi bien que des albums passés ou les meilleurs des albums passés. Mais par contre, je peux pas vous dire non plus de ne pas le lire parce que on passe pas un mauvais moment en lisant cet album-là. Donc, c'est Jules qui est au scénario, qui a décidé de se lancer avec un contexte quand même assez casse-gueule, pourrait-on dire, à certains égards, donc un humour autour de la culture juive. Et dans le fond, l'idée, c'est qu'on a une famille juive qui doit traverser les États-Unis en compagnie de Lucky Luke pour aller dans une ville X, donc une recette qu'on voit passer. Donc lui, il va de quelques clins d'œil, quelques regards, de l'humour autour justement des différentes pratiques religieuses. Alors, donc ça reste quelque chose d'assez classique dans la facture, comme je le disais, qui en fait pas un Lucky Luke incontournable, mais qui fait pas non plus une mauvaise lecture. Si vous aimez l'ambiance des albums, mais probablement que, indépendamment de ce que j'en dis, vous allez y jeter un coup d'œil. Et si c'est le cas, ben, vous allez trouver que c'est quand même un chouette album. Mini-mention également pour Kid Lucky, que HD pilote tout seul de son côté. Donc, une série à gags inspirée d'un Lucky Luke enfant, avec évidemment quelques ponts aussi vers l'univers actuel de la série. Donc, l'humour qui risque de plaire à tout le monde, qui est pas hilarant, qui est pas ennuyant non plus. De l'humour quand même relativement consensuel, avec un petit côté moral qui est intégré dans certaines vignettes. Donc, une série qui est correcte, mais encore là, je suis un peu plate dans mes commentaires BD cette semaine, mais c'est comme ça. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc, c'est le genre de série où je me dis, ouais, c'est bien, c'est bien fait, c'est bien exécuté, là, je veux dire, on s'entend là-dessus, mais il y a rien qui implique une lecture absolument nécessaire de tout ça. Donc, si vous avez envie de vous lancer plus dans la découverte, eh ben, je mentionne au passage ce que j'en avais parlé quand même à chaque tome de cette série-là, et là, le tome final est arrivé, donc c'est HSE, donc le troisième tome avec Xavier Dorisson au scénario et de Thomas Allard au dessin. Une série qui pose la question, en fait, ici, l'être humain est en mesure d'être intégré à la bourse. Et s'il y avait une bourse des humains, et on était coté, on était analysé, les gens investissaient sur notre succès ou notre insuccès, somme toute, et évidemment les dérives que ça pourrait entraîner, donc d'être un peu dépossédé de son existence. Et donc, dans la série, dans les premiers tomes, on suivait une personne un peu plus, entre guillemets, normale, qui décidait de réussir, dans le fond, à se faire coter, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, à l'époque, c'était seulement l'élite, une certaine élite, si on peut dire, qui pouvait bénéficier de ce service-là. Donc, lui, réussit à transcender ça, découvrir un peu la belle vie, la vie de luxe dans laquelle il se retrouve. Mais ensuite, c'était dans le deuxième tome, c'était un peu la chute où il découvrait un peu le côté sombre de tout ça, et avec les conséquences que ça pouvait avoir aussi, le fait d'être dépossédé de sa vie. Donc oui, on vit dans le luxe, mais en même temps, il y a des décisions qu'on ne peut plus prendre, et notamment au niveau des relations amoureuses, des relations familiales et le reste, donc entre autres éléments. Et dans le troisième tome, ben là, c'est la résolution. Je rentrerai pas dans le détail, si ce n'est que essentiellement, donc on essaie de trouver une façon de casser le système, mais est-ce que le système peut véritablement être cassé. Alors, c'est un peu la réflexion qui est amenée là-dessus. Et pour moi, en fait, cette série-là, c'est une chouette série d'anticipation. Ça pose des questions qui sont intéressantes. C'est bien ficelé. Dorisson, qui maîtrise bien son scénario. Un dessin qui est très correct aussi, qui est très bien exécuté du côté de Allard. Donc, ça donne une série bien intéressante. Et finalement, ben, l'album vient clore de belle façon, si on peut dire, le triptyque, avec une logique au terme de tout ça. Alors, que ça en fait une série donc agréable, et que je vous suggérerais peut-être de feuilleter, à tout le moins jeter un coup d'œil au premier tome. Si vous voyez que ça vous intéresse, sachez que c'est bien mené sur les trois tomes, donc ça, c'est toujours le fun à savoir aussi. Et avant d'aller en pause, mention également pour un titre, premier tome en fait, d'une nouvelle série qui s'appelle Le Bourreau. Et ça, j'aime bien un peu le prérequis un peu de l'album, donc il se questionne un peu sur la notion de justice, mais aussi avec beaucoup de magie là-dedans. Alors, essentiellement, on se retrouve dans un Paris de de siècle passé, en fait, un peu plus médiéval, si on peut dire. Et donc, on découvre le mythe de certains surhommes, dans le fond, que ce soit des ermites ou autres, des gens qui, par diverses manières, ont réussi à cacher leur nom et le fait même qu'ils existent à la société. Donc, ils vivent le visage caché, ne fréquentent pas ou peu les autres. Et le fait qu'on ne sait plus qu'ils existent leur donne un pouvoir particulier lorsque face au crime, donc ils peuvent devenir un bourreau et administrer la justice eux-mêmes. Évidemment, un système comme celui-là qui donne accès à des guerriers invincibles est intégré à l'intérieur de contextes de lutte sociale et politique, donc ce qui fait qu'il y a une certaine aristocratie qui a décidé de mettre la main sur ce système et de commander, dans le fond, des meurtres en s'assurant évidemment que les personnes sont coupables, mais en commandant des meurtres. Et évidemment, ça amène aussi en cours de route une certaine dérive. On était déjà dans une zone de gris, on l'est encore plus. Et en parallèle, ben il y a donc ce bourreau-là qui est confronté à un autre être qui est comme lui, qui a conscience de son existence. Et là, évidemment, c'est la mythologie de tout ça qu'on découvre aussi au fil du premier tome. On place bien les enjeux, c'est bien amené, c'est dynamique. Un récit assez surprenant, ce genre d'album, en fait, on en voit des tonnes passer dans ce registre-là au niveau graphique et le reste. Alors, c'est toujours un peu une belle surprise quand finalement on se laisse prendre à l'histoire, on est intrigué par la mythologie. Et donc, c'est un premier tome qui, personnellement, me donne envie de voir le deuxième, qui, incidemment, est annoncé pour le premier semestre de 2017. Alors, j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Disons que pour l'instant, une belle lancée de série, peut-être un triptyque à surveiller. Alors, ça sera à voir pour les amateurs, évidemment, de ce style de BD-là, ces genres de BD à clientèle quand même assez, somme toute précise, là, on s'entend également là-dessus. Alors ça, c'était Le Bourreau. C'est chez Delcourt et c'est de Gabella et Carrette. Alors là-dessus, on prend une autre pause avec notre extraordinaire musique et on poursuit cette édition de La Vie en BD. Et on poursuit cette édition de La Vie en BD, des suggestions, des regards, beaucoup de commentaires BD cette semaine. C'est comme ça qu'on avait envie de terminer l'année. Et fait amusant, on termine l'année avec une nouvelle collaboration, une collaboration qu'on espère revoir également l'an prochain. Alors, il s'agit d'un nouveau libraire en résidence. Il est du côté de chez La Liberté à Sainte-Foy. Alors, on sort du centre-ville de Québec. Alors, Jérôme Vermette, bonjour. Salut. Alors, Jérôme, en fait... Plan de match, on est un peu avant les fêtes, alors j'ai l'impression que tu arrives un peu aussi avec des idées, peut-être un peu cadeaux de dernière minute, des coups de cœur pré-fêtes, si on peut dire. Il vous reste une journée pour en acheter. puis là, j'ai entendu un peu ce que Marco et toi avez suggéré comme liste de BD. Alors, c'est clair que j'ai changé un peu de registre. J'ai sélectionné plus trois romans graphiques. Un d'horreur, un plus chargé psychologiquement, et enfin un qui est plus historique. Le premier que je veux présenter, dans le fond, c'est Rat God de Richard Corben. Publié. Et ça, c'est celui d'horreur. C'est celui d'horreur, tout à fait. Richard Corben, c'est un artiste de la contre-culture des années 60-70, travaillant entre autres dans les mêmes revues que Frazetta, là, qui est très connu entre autres pour ses dessins de l'univers de Conan. Moi, j'avoue que je le connaissais pas avant de lire cette BD-là que j'ai trouvée vraiment excellente. Les amateurs de Lovecraft devraient être servis. Et puis... dans le fond, d'ailleurs, l'histoire, ce qu'elle raconte, c'est le personnage principal qui ressemble vraiment beaucoup à H.P. Lovecraft, tant au niveau visuel que dans sa mentalité. Donc, on met vraiment l'accent sur la filiation entre l'univers de Lovecraft et cette BD-là. Écoute, il étudie Arkham, donc je pense que la filiation est assez est assez claire et nette. Et lui-même, le personnage, lui ressemble au niveau psychologique aussi. Dès le début, il prétend être un Aryen de pure souche et tout ça. Donc, le type est raciste, manifeste. Et lui, il tente de retrouver une femme dont il est tombé amoureux à l'université. Elle a disparu suite à une gaffe qu'il a fait et il doit se rendre dans le petit village d'où elle vient, un village paumé, là où, comme dans Lovecraft, il y a des gens qui sont métissés, qui sont manifestement... Il y a quelque chose d'étrange. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on ne sait pas trop dans le dessin, est-ce qu'il ressemble vraiment à des rats ou pas. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose qui se passe là. Le village s'appelle Lindog. Donc, à cause de cette recherche-là, lui va se retrouver mêlé à des pratiques d'anciens cultes qui vont lui en révéler davantage sur l'univers dans lequel il se trouve, mais aussi sur lui-même. Et Richard Corbin fait évoluer le personnage de raciste à quelque chose d'autre, finalement. Il y a peut-être, en fait, il y a toujours, et c'est peut-être un peu le caractère distinctif de Lovecraft dans son horreur, c'est qu'il y a un côté très psychologique et une confrontation, dans le fond, de soi-même, encore ouais. là, qui est dans cette continuité-là. Est-ce qu'on réussit à bien rendre le côté un peu mystérieux de la chose, mais en parallèle aussi, justement, le côté psychologique, l'évolution de ce personnage-là? Ben, en fait, au niveau du dessin, Richard Corbin, justement, je trouve que c'est un maître de la séquence, je te dirais que une des choses que je trouvais très forte dans cette BD-là, c'est qu'on sait jamais, un peu comme le personnage, si on est dans la réalité ou si c'est lui qui est comme fou. On est nous-mêmes pas très sûrs. Des fois, juste des petites cases où on voit des cadavres, est-ce qu'ils ont bougé ou pas, là, parce qu'il a juste changé un petit quelque chose dans le dessin, un peu comme Hugo Pratt faisait avec Corto Maltese. Des fois, juste un mouvement de rien, et puis... Assez pour nous créer un malaise. Ouais, exactement. C'est... Voilà, ça, c'est très bien dit, dans le fond. Mais c'est vraiment une des choses les plus intéressantes, je trouvais, c'était sa maîtrise de la séquence. J'ai jamais oublié que c'est un des éléments clés de la bande dessinée, la séquence. Et puis, le style très contre-culture des années 70 aux États-Unis, Corbin maîtrise vraiment très bien la couleur, les clairs-obscurs, c'est toujours très beau à voir. Il joue beaucoup avec la forme des cases. Contrairement, mettons, à Providence, écrit par Alan Moore, qui va être... au niveau scénario, toujours très hot parce que c'est Alan Moore et on trouve toujours que son propos est très intelligent. Les cases sont toujours pareilles et tout ça, alors que Corbin, lui, s'amuse avec la forme des cases. Donc, il crée tout le temps un peu le suspense de cette manière-là. Donc, ça rend la lecture, j'ai l'impression, parfois plus dynamique, plus impliquante aussi pour le lecteur. Il y a plus d'action aussi. Le but de Corbin n'est pas de nous faire réfléchir sur l'œuvre de Lovecraft comme Alan Moore le faisait, mais plutôt de nous faire vivre un bon moment d'horreur. Je pense peut-être à mon autre roman graphique que j'ai expérimenté. D'abord attiré par la couverture, c'était La Confession d'un enragé de Otero, publié chez Glénat. J'étais attiré au départ par la couverture de ce personnage-là qui a l'air d'un bum avec une tête de chat-sphinx. Je sais pas si vous avez vu cette couverture-là, très belle d'ailleurs en termes de couleurs. Je me disais, bon, ça va être une BD sur les milieux de bum et tout ça. C'est pas du tout ça. Je me suis fait prendre au piège, mais j'ai découvert quand même quelque chose de très, très intéressant. Dans le fond, Otero suit un jeune garçon de 4 ans, du moins au début du roman, il a 4 ans. Il vit à Rabat au Maroc à la fin des années 70 avec ses parents qui sont européens. Et joint dans la cour au ballon, et il s'approche d'un chat. Rabat a plein de chats errants. Il s'approche d'un chat qui l'attire, mais qui fait un drôle de bruit. Le chat l'attaque et finalement lui transmet la rage. Alors, le personnage, tout au long de la BD, doit apprendre à vivre avec ça. Il subit des traitements antirabiques qui ne fonctionnent pas toujours, et puis ça joue sur sa psychologie. Il grandit, il devient adulte tout au long de la BD, il finit par devenir adulte, donc ça lui fait passer une adolescence assez particulière également, parce qu'il se forge beaucoup. On vient qu'on ne sait plus tellement, je vous dirais, je suppose que la rage est pratiquement utilisée comme une symbolique de... Certaines schizophrénies, à la limite. On pourrait peut-être dire soit la schizophrénie ou même, à la limite, même peut-être les enfants et les adolescents qui veulent montrer leur... qui veulent montrer qu'ils se prennent en main eux-mêmes, qu'ils s'affirment, voilà. En fait, j'imagine que l'intérêt de la rage dans ce contexte-là, c'est un peu de s'émanciper d'éléments cliniques auxquels on aurait demandé un réaliste ou d'éléments psychologiques plus clairs, auxquels on aurait demandé aussi des assises, de faire un peu un mix entre les deux. Si ben, en fait, quand il commence, par exemple, c'est très clinique. Oui. Et là, c'est ça, on voit le système de santé des yeux d'un enfant qui est terrorisé parce qu'il reçoit des piqûres à la planche. On lui explique c'est quoi la rage. D'ailleurs, le récit est entrecoupé, ça c'est assez particulier, de planches où il y a un personnage, un docteur, qui nous explique constamment c'est quoi la rage, l'historique de la médecine de la rage, des traitements antirabiques qui tournent mal. Donc, mais ça, le personnage ne le voit pas. Ça, c'est vraiment un personnage... On nous prépare. Ouais, c'est ça. C'est comme le médecin défonce le quatrième mur, s'adresse au lecteur. On nous prépare effectivement ce qui arrive, mais plus le récit avance et plus ça devient très symbolique. Le personnage principal qui s'appelle Liam, à chaque fois qu'il subit la rage ou qu'il a l'impression qu'il est en train d'être enragé, soudainement, il est comme un chat, il y a des éléments félins sur lui. En tout cas, c'est vraiment, visuellement, c'est très, très beau. Hein, oui, parce que Jérôme Vermette, tu disais que tu avais été happé par la couverture de cet album-là. Est-ce que, dans le fond, au niveau du visuel à l'intérieur, c'est aussi captivant? Le visuel est exquis. Les dessins sont semi-humoristiques. C'est très européen comme facture de dessin. Dessiné à gros traits, mais en même temps, beaucoup de détails dans les décors et les costumes. On oscille entre des moments très réalistes et des moments oniriques. Le personnage vit beaucoup de cauchemars tout au long de son existence. Et on passe bien entre l'un et l'autre? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est lui-même qui raconte l'histoire. Donc, il vieillit tout au long de l'aventure. Et la fin vaut le détour aussi. Donc, c'est quand même là, très, très bien. C'est chargé émotivement aussi, là, quand même beaucoup. C'est très différent de Red God là-dessus, justement. on y va vraiment avec trois suggestions de type roman graphique assez distinctes. Oui. Et le dernier, en fait, longtemps, j'ai l'impression peut-être un peu plus dans l'historique, Les voyages de Marco Polo. Oui, Marco Polo, La route de la soie, publié par Urban China. C'est comme une nouvelle collection chez ceux qui font Urban Comics, qui sont surtout dans les comics américains. Moi, j'ai surtout encore été attiré par la couverture. Je pense que ça nous aide beaucoup en BD. Hein? Donc, Marco Polo, La route de la soie. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un récit linéaire de l'historique de Marco Polo. Lorsque la BD commence, Marco Polo est prisonnier chez les Génois et rencontre son camarade de prison qui s'appelle Rusticelli, si ma mémoire est bonne. Et celui-ci lui dit « Ah ben moi j'aime ça raconter des histoires, donc je vais écrire tes voyages. Fait que tu vas me les raconter et tout ça. » Donc Marco Polo se met à lui raconter à partir du moment où, très jeune, il rencontre son père pour la première fois parce qu'il était parti alors qu'il n'était pas né, ou qu'en tout cas qu'il avait 2 ans, et puis qui lui dit qu'il doit retourner à la cour du Grand Khan. Alors Marco réussit à convaincre son oncle et son père de les suivre à la cour du Grand Khan, et donc tout au long de la BD, il raconte ces voyages-là de l'Italie jusqu'à la Mongolie, en fait jusqu'à la Chine, puisque le Grand Khan était maître d'une partie de la Chine. Ce qui est très intéressant là-dedans, ce que j'ai beaucoup aimé, entre autres, c'est justement cette partie non linéaire-là. Alors, la bande dessinée essaye entre les moments où on est dans la prison, entre Marco et Rusticelli, des très beaux moments d'ailleurs entre les deux personnages. On les verrait au cinéma, on aurait l'impression qu'il y a une chimie entre les deux, hein, si on pourrait dire ça. Donc au niveau du dessin, on réussit à bien... Exactement, exactement. Le dessin d'ailleurs qui est très simple, là, mais je vais en revenir un petit peu tantôt. Même il y a des moments là-dedans où on a des histoires dans l'histoire. Rusticelli est un conteur, donc il s'invente lui-même un passé des fois complètement farfelu, et ce passé-là on le voit en BD où il s'en va sur des îles où il y a des fées et tout ça. Bon, vous voyez le genre un peu. Et également, c'est entrecoupé de passages oniriques. Donc, Marco Polo fait beaucoup de rêves et de cauchemars très, très symboliques sur sa relation avec son père, sa relation avec une femme orientale qu'il a rencontré, des choses comme ça. Et il y a également énormément de symbolique dans le dessin. Donc, beaucoup de moments dans l'histoire qui sont entrecoupés de doubles planches qui sont très, très belles, alors que l'auteur Marco Tabilio, excuse-moi. Marco Tabilio a un dessin très simple. D'ailleurs, je pense que les fans de Guy Delisle devraient apprécier beaucoup le genre qu'il a. Un dessin très simple, mais juste avec quelques coups de crayon, réussit à évoquer tout un univers médiéval. Il y a des doubles planches où là il s'attarde vraiment à des détails, il dessine vraiment comme les cartes de l'époque. Et là, on se retrouve dans un autre style, ou un côté plus réaliste peut-être un peu. Qu'il prend l'imaginaire médiéval des tapisseries de l'époque et tout ça, mais ça donne quelque chose de très beau. Il y a beaucoup de petits détails dans le fond sur ces doubles planches là. Il y a d'autres scènes là où où le Rusticello apparaît en dragon à trois têtes pour faire une symbolique particulière, puis il continue à jaser avec Marco Polo. Donc, on a des moments comme ça. Il y a surtout... Ça, je trouvais que c'était un moment, un genre de coup, un coup d'éclat au niveau du BDS là-dedans. Il y a une double planche à un moment donné où Marco Polo est sans connaissance parce qu'il est malade. Donc, au centre de l'image, on a le médecin et Rusticello qui discutent de Marco Polo, mais en haut de la double planche et en bas, on a ce que Marco Polo rêve, dans le fond, ou c'est l'inverse, en tout cas, qui rêve à son passé avec la femme orientale. Les deux discussions s'entrecroisent. C'est très, très bien fait. Ça, c'est des belles réussites qu'on aime voir, des fois, dans une bande dessinée. Une belle virtuosité dans la gestion de scénario, puis un souci de réinventer ou d'essayer des choses, si on peut dire, de pas se contenter de faire... Oui, bien, c'est ça. Au lieu de compter juste un récit linéaire, donc, et qui pourrait devenir ennuyant. J'ai l'impression souvent, tu me diras, Jérôme, si t'es d'accord. Non, mais c'est un peu ces petits éléments-là qui font la différence entre une bonne BD puis une BD mémorable. Ben, tout à fait. Puis je pense qu'on c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein. Les gens essaient on a des BDistes qui essaient de plus en plus de choses qui maîtrisent, qui nous montrent que c'est autre chose que juste le dessin et le scénario. Mais vraiment, encore là, je reviens à ce que je disais, la séquence, hein, entre les cases, entre les pages même. Donc, c'est un beau coup d'éclat, j'ai trouvé, cette BD-là. Alors, je rappelle tes trois titres. On parlait donc de BD d'horreur, Rat God, de bande dessinée plus psychologique, autobiographique, pourrait-on dire, là, dans ce tapanage-là avec Confession d'un enragé, et on tombait dans l'historique avec Les voyages de Marco Polo. Un petit mot, un petit deux minutes peut-être pour mentionner un livre sur Philippe Druyet. Oui. C'est vrai. Cadeau de Noël ultime, selon moi, là, donné pour les amateurs de BD classiques. Philippe Druyet, qui était un artiste BDiste des années 70-80, de la contre-culture de l'époque, avec Moebius, entre autres. Donc, superbe livre publié par... Oh mon Dieu, faudrait que je me rappelle plus de la maison d'édition. Je suis désolé, mais le livre est tout à fait magnifique. Et on trouve dedans de superbes photos, tant de presque toutes les bandes dessinées que Druyet a fait, mais aussi ses tableaux, ses affiches de films. C'est vraiment un artiste qui a travaillé sur beaucoup de choses. Donc, ça permet de voir vraiment l'ensemble de l'univers graphique de cette personne-là. Oui, qui est totalement unique. Hein. Il n'y a personne qui a fait ce genre d'œuvre-là qui mélange les univers dans un seul, le futur, le Moyen-Âge et l'Antiquité dans un univers de science-fiction qui n'appartient qu'à lui, là, finalement. En tout cas, c'est vraiment unique. Il faut vraiment prendre le temps de voir ce livre-là qui est tout à fait magnifique. Je le recommande fortement là, pour tous les fans de BD. Et on en profite justement quand on les croise en librairie pour les feuilleter, les observer. Jérôme Vermette, ben, on te souhaite déjà une bonne année, bon temps des fêtes, puis à l'année prochaine. Merci, et à vous aussi. Et je rappelle, Jérôme est libraire du côté de La Liberté dans la Pyramide. Nous, on repart en musique une dernière fois ici à La Vie en BD. Et on se lance dans la dernière ligne droite. On dit adieu à cette horrible musique, mais qui est nécessaire pour se mettre dans l'esprit des fêtes. On est quand même à la veille de Noël. Et on poursuit peut-être avec quelques commentaires BD. Donc, on a eu droit à des suggestions, des titres que les chroniqueurs ont aimés. Maintenant, moi, je vois avec des titres que j'ai lus. Alors, c'est toute la distinction, si on peut dire. Par contre, le prochain titre, on pourrait dire un titre que j'ai lu et aimé. Alors, c'est du côté des éditions Pao Pao, en fait. On en avait parlé il y a quelques temps, donc leur collaboration avec l'association en France, donc qui fait que certains titres, principalement à date, en fait, du moins ceux de l'auteur Loïs Trondheim, qui sont édités en France à l'association, sont édités au Québec du côté de chez Pao Pao. Donc, ça fait des beaux ajouts à la collection de cet éditeur. Et leur dernier livre, en fait, dernier livre de M. Trondheim, il l'a fait avec son épouse Brigitte Findakli. Une bande dessinée dans laquelle elle raconte raconte, en fait, ses souvenirs d'enfance. En fait, Findakli est né à Mossoul d'un père irakien, d'une mère française, baptisé deux fois par un orthodoxe et un catholique. Donc, une enfance à mi-chemin, si on peut dire, entre les deux cultures. Une enfance qui débute à Mossoul, qui s'en va ensuite vers la France, donc de l'Irak à l'Europe. Et dans le fond, au fil de ce livre-là, bon, on découvre essentiellement ses souvenirs, ses regards, des anecdotes, des réflexions, un peu toujours à travers la voix de l'enfant qu'elle était à l'époque. Donc ça donne quand même un contexte aussi, un regard en fait où on s'impose une certaine naïveté, si on peut dire, qu'on avait à l'époque quand on regardait justement ce qui se passait. Alors ça donne un ton qui est intéressant. C'est une BD qui est quand même très dense, donc c'est essentiellement un récit illustré à bien des égards, et c'est un récit un peu à la manière de la pensée ou à la manière de si Findakli nous racontait cette histoire-là à nous, lecteurs. Et donc ce qui fait que par moment elle va ouvrir des parenthèses. Elle va ouvrir des parenthèses dans ses parenthèses, elle va en fermer une, elle va en ouvrir d'autres. Donc ça fait une lecture qui est un peu à la manière d'un récit parlé, et ça fait quelque chose qui est pas nécessairement traditionnel, si on peut dire, dans la narration BD. Ça fonctionne, mais par contre c'est le genre de récit où il faut avoir une bonne concentration pour bien suivre, bien rien échapper, si on peut dire, de tout ce qui nous est raconté. Surtout que c'est une histoire riche, que c'est un témoignage riche aussi, dans la mesure où il y a, je crois, pas nécessairement tant de gens qui ont vécu ce type d'enfance-là. Riche également par le fait que ça nous permet de voir, de comprendre, un peu à l'image d'autres titres. Bon, on pense peut-être tout de suite à Persépolis dans ces régions-là, mais plus vers l'Iran, justement les livres de Nicolas Wilde également. Donc, dans l'Irak, il n'y en a pas des masses non plus. Donc, ça nous permet de voir un peu la dynamique de ces pays-là, la culture de ces pays-là. Alors, je trouve ça quand même intéressant. Alors, pas nécessairement un livre facile, pas nécessairement le meilleur du genre, mais par contre, sincèrement, ça reste une lecture fort agréable que j'ai faite et aussi enrichissante. Alors, Les Coquelicots d'Irak de Louis Trondheim et Brigitte Findakli chez Pawpaw. Je fais également une petite note dans le registre, tiens, puisqu'on parle de la culture et des sociétés. Alors, je trouvais intéressant, en fait, c'est pas nécessairement le meilleur manga que j'ai lu cette année, mais je tenais à le mentionner parce que ça reste une histoire assez particulière. En fait, il y a un roman au Japon qui est très populaire, un roman de Soseki qui s'appelle Je suis un chat. Donc, essentiellement, ce roman-là raconte du point de vue d'un chat, la vie quotidienne d'un professeur assez quelconque, au Japon. Et à travers ce regard-là très neutre, eh ben on découvre donc une vie quotidienne, on découvre les pressions du quotidien, on découvre aussi une pléiade de personnages qui lorgnent entre le réalisme et l'absurde, une vie particulière sans l'être, intéressante sans l'être, qui mène peut-être comme beaucoup de vie à un certain cul-de-sac à certains égards, si on peut dire, selon les attentes qu'on a aussi face à cette existence-là. Alors, ça nous permet, le roman, en fait, c'est un peu l'élément qui a été beaucoup retenu, beaucoup cité quand on creuse un peu, c'est le regard vers le Japon, vers la culture du Japon, vers les travers également du Japon, parce qu'il y a un côté critique, il y a un côté satirique là-dedans. Donc on parle de guerre d'influence, de suicide, on parle de philosophie, on parle de chat aussi, de chat et de philosophie dans la même conversation. On joue sur les jeux de séduction, les finances, donc on va quand même sur plusieurs thématiques. Ça donne un récit qui est quand même assez riche aussi en termes de compréhension de cette société-là. L'adaptation donne un rôle un peu plus prédominant parce que c'est du roman, donc le chat était le simple narrateur, l'observateur, le témoin, mais n'agissait pas dans l'histoire. Donc là, maintenant, devient un acteur parmi les autres. On le place, on l'intègre. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je pense qu'il n'y aura pas de choc majeur. Donc, ça reste dans ce sens-là, donc un récit qui est intéressant. Comme je disais, c'est pas le meilleur manga que j'ai lu cette année, mais ça reste donc un regard sur une société et sur ses travers, sur ses traditions et le reste. Alors, qui peut représenter donc un intérêt, un récit qui finit quand même aussi de manière assez carrée. Là, j'ai lu à quelque part que Soseki, l'histoire avait été publiée dans le contexte d'un feuilleton, et à un moment donné, il était juste tanné de l'écrire, donc il l'a fini tout simplement. Donc, on retrouve ça aussi, et on transpose quand même, de ce que j'en comprends assez bien, le récit de Soseki dans cette histoire, donc une adaptation de Kobato Tirol, c'est chez Philippe Piquier. Donc, Je suis un chat. Autre titre, tiens, on y va, hein, je disais en rafale tantôt. Tiens, je parlais d'Irak, je savais pas si je voulais en parler cette semaine ou l'année prochaine, mais je le mentionne là parce que je parlais d'Irak tantôt et je pense en fait, si vous avez envie aussi de plonger dans la réalité de l'Irak, dans la dynamique de ce qui s'y passe après la guerre américaine, dans un contexte documenté, journalistique, dans un contexte de livre de voyage aussi à certains égards. Il y a la gang de Drone and Quarterly qui a publié un bouquin de Sarah Glidden qui s'appelle Rolling Blackouts, alors où essentiellement la BD journaliste accompagne des documentaristes qui font le chemin tranquillement vers l'Irak, qui sont accompagnés également d'un ancien Marine américain qui lui veut aller voir d'un autre regard ces régions et ces gens qu'il a rencontrés, mais dans un contexte militaire. Alors, ça apporte une gravitas aussi à ce qui s'y passe là-bas. Vraiment, en fait, on réfléchit donc d'un côté, ceux qui apprécient les réflexions autour des médias vont apprécier peut-être la réflexion sur le travail du documentariste, sur le travail du journaliste, sur l'objectivité, sur ce qu'est le journalisme dans une certaine mesure. Ceux qui sont intéressés par la réalité de ces pays-là, ils vont y trouver aussi évidemment un récit richement documenté, un récit très personnel qui est très simplement, somme toute, mis en scène, très sobrement, disons-le plutôt comme ça, mis en scène par Sarah Glidden. Donc, c'est essentiellement des transcriptions des conversations qu'elle a entendues, auxquelles elle a participé, intégrées avec ses commentaires également. Donc, elle essaie d'être extrêmement objective dans son rendu, son regard sur le voyage et l'évolution de l'objectif de ce voyage-là aussi, mais en parallèle une réflexion sur son travail également, sur sa distance à elle par rapport au travail à eux et leur distance à eux, leur sujet à eux. Donc encore là, il y a une mise en abîme qui est extrêmement dynamique. Alors c'est dense comme récit, là. On s'entend quand même, là, il y a beaucoup de texte, c'est une lecture où il faut être attentive. On lit pas ça avec les enfants qui courent autour. On se donne un contexte favorable de concentration. Il y en aura sûrement en hiver, là, j'en suis certain. Sérieusement, là, je n'en dis pas trop parce que je pense, mais de toute façon, c'est clair que je veux que vous le lisiez, mais c'est que dans ce registre-là aussi, ça reste une enquête. Je pense qu'il y aurait de toute façon une bonne demi-heure à faire à jaser avec Mme Glidden pour exposer, regarder, observer, parcourir son travail derrière tout ça. D'ici là, peut-être simplement de mentionner que ça vaut la peine et que si vous avez envie de plonger un peu outre avec les coquelicots d'Irak, mais dans la réalité actuelle maintenant de ce pays-là, eh bien ça peut être deux œuvres en fait bien complémentaires, je pense, à lire pendant le temps des fêtes. Et je vois qu'il me reste essentiellement quoi, une minute. Alors j'en profite pour faire un bébé commentaire, un mini commentaire sur scène de la vie hormonale de Catherine Meurice. Catherine Meurice qui est beaucoup primée pour la légèreté, avec raison d'ailleurs, cet album qu'elle a publié post Charlie Hebdo. Dans ce cas-ci, avec Scène de la vie hormonale, c'est plutôt des publications de Charlie Hebdo qu'elle a réalisées. Donc des regards sur la femme, sur la sexualité, sur la volonté d'être libérée, sur ce qu'est d'être libérée, sur la réalité des amants, des amours, du sexe, des hormones, des enfants et le reste. Alors on joue un peu avec ces thématiques-là. C'est des blagues en une planche à peu près, assez salaces aussi. Sexe, libido, maternité, frustration, relation avec les parents, les conjoints et le reste. Donc le genre de livre qui est pas nécessairement pour tout le monde. Mais si ce type de sujet-là vous attire, vous allez trouver votre compte. Inversement, si c'est un peu moins dans votre tal, entre guillemets, c'est quand même moins bon que Riser ou d'autres classiques du genre, mais ça reste quand même bon, un bon humour, un peu libidineux à certains égards, féministe à certains égards aussi. Donc un mélange qui est pas mauvais, mais qui s'adresse, je pense, à une clientèle assez précise. Alors, Scène de la vie hormonale de Catherine Meurice. Voilà, je reprends mon souffle. Voilà qui clôt donc ce marathon de commentaires BD qu'on vous proposait cette semaine. Alors, on s'en va maintenant vers la fin, enfin, en vous souhaitant un bon temps des fêtes, évidemment. Et c'était Raymond Poirier au micro. Nous, on se retrouve le 6 janvier prochain, pardon, dès 17h30 pour une prochaine édition de La Vie en BD. Alors, bon temps des fêtes, bonne année à tous et à toutes.